Les presses écrites et parlées du monde ont traité du 19 au 21 mars l'inspection du dirigeant suprême Kim Jong-un de l'essai au point fixe du jet du moteur de grande capacité, nouvellement mis au point par l'Académie des sciences de défense nationale, sous les titres comme « Le dirigeant Kim Jong-un inspecte l'essai au point fixe du jet du moteur de grande capacité nouvellement développé » et « La Corée du Nord essaie le jet du nouveau moteur ». Ce sont notamment l'agence de presse TASS, le journal Rossiyskaya Gazeta, la radio Sputnik et l'agence de presse d'internet Rigonium de Russie, l'agence de presse Chinouvelle, le journal Dagon Baon et la télévision satellitaire Finistan Hong Kong de Chine, la radio britannique BBC, l'agence de presse iranienne ILNA, l'agence de presse cubaine Prensa Latina, le journal vietnamien Kondo Nyonzon, le journal Times of India, l'agence de presse Gyodo, le journal Tokyo Shimbun et la radio NHK du Japon, la CNN et l'AP des États-Unis, le site d'internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections et l'homepage internet du Comité africain d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen séjournant au Nigeria.